bon pote, comme tu sais, comme toujours, hein. C'est son album, c'est lui, Monsieur Bill, obligé. Avec le frangin, j'ai des tas de soucis, je suis insomniaque la nuit. Et durant la journée, je suis une putainiaque famille. C'est le pétage de plomb, ou la pétarde de seconde. Ne jamais croire ces mythos et pétasse de plomb. Je suis dans les endroits glauques et bizarres. Je joue pas la petite star, ça se carotte pour une pizza. Je traîne le soir et tes avocats, jus de pomme. J'ai une salope comme juge et une avocate sur conne. On marche pas sur l'or mais sur des mégots. On roule en Peugeot et rêve de merco de tom. Comme les cyclistes, mes potes sont dopés d'accord. La Pouca visitera le bloc. Opérateur, c'est pas la Dolce Vita. Ça passe l'été en mitard. J'ai des morceaux de pirates et quatre aves, l'empire lâche. Sur terre, à chaque saison fige. J'ai une cargaison de rime, ambiance cash, béton shit. J'vis à l'heure américaine. 1, nique le fair play. 2, j'ai pas le mi-pair. 3, j'cache mes faiblesses, faire plaisir. J'ai pas le temps, il faut que j'amortisse. J'ai des baskets assorties, de la peine à dormir. J'traîne dans ma zone, la bêtise comme moteur. Les bad news tombent comme des feuilles mortes en automne. Moi j'fais des sommets entre cul sec et balafre. Ma life part en sucette et le succès n'est pas là. Je balade, rien de super et ça me rend malade. Y'a des trucs qui font mal, c'est pour ça que j'en parle pas. Okay. En cas de galère, moi j'sais sur qui compter. Y'a pas besoin de nom, tu te reconnais si t'es mon frère. 1, la street dans mon texte. 2, ma famille dans le cœur. 3, c'est pour mon équipe. 4, j'tarte une anchor. Passe une vitamine, j'lique la vie et kiffe ma ville. Moi j'bouge pas en club, à part si twist à mix. Moi j'compte sur personne, à part mon verre d'Hennessy. Dans mon cœur c'est Wall Street et j'recherche les bénéfices. Okay. J'me détruis le corps depuis l'époque des Cortez. Okay. Demande à Dez, mon futur est en mode World Trade. Tu vois, c'est l'hôtel avec un parfum de Bagdad. J'ai l'estomac noué et j'ai pas faim à ta. Les gardes en parlent mal, pas besoin de t'expliquer. Génération niquée, j'vois des gamins rabattre, putain. J'me balade, un cul de spliff dans le QI. J'crois que ce monde ne m'entend pas, j'vais lui acheter des cutibles. J'raconte ma merde avec une pointe d'humour. J'suis tombé dans des crevasses, la faute au saut d'humeur. Sur le mur, peu de photos, dans ma chambre c'est le bordel. Marie Poppins au chômage, j'te le répète, j'veux un bol d'air. J'm'en tape du rap game, j'écoute du Mokless. Et mon dentiste voit un psy depuis qu'il a vu mes molaires. Un sale mode de life, on déconne le soir. As, pour la cône de Han, il faut que j'école de l'âme, l'alcool me nargue et j'perds le contrôle. Le mic c'est Hollywood et j'kiffe pas mon rôle. Marécage street, lol mal, si street, lol mal. Fuck, only connect the real, staying down with the real. Salaud toi, t'es un vrai salaud. Tu m'appelles, tu me dis que t'as mis mes dents dans ce cut. Et je viens, excuse-moi, fallait me dire que t'as plus content comme ça, bordel. Eh, t'entends le mec qui se crache là, on dit du twist là, négro. Eh, eh Philippe, on t'oublie pas, on t'oublie pas. Y'a un petit neveu qui arrive dans quelques mois. On t'oublie pas, Philippe. Eh, souhaite-lui la bienvenue de ma part, frère.